Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Il y a 75 ans, les camps de concentration étaient libérés. Mais au-delà de la fin de la guerre, cette année 1945 nous permet de comprendre le monde d'aujourd'hui. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Que signifie être vivant après les horreurs de la guerre? Que signifie reprendre vie après l'expérience concentrationnaire? Et quel monde reconstruire quand celui d'avant avait conduit l'humanité jusqu'au chaos? C'est un peu ce que s'est demandé l'historien britannique Ian Kershaw, sans conteste un des plus grands spécialistes du nazisme. Il est biographe d'Hitler. À partir d'un homme, il a étudié un système effrayant. Ian Kershaw est né en 1943 en Angleterre. Il a construit sa pensée au fur et à mesure que le monde changeait. Après l'Europe en enfer dans la première moitié du XXe siècle, serions-nous aujourd'hui arrivés dans l'âge global? L'Europe en enfer 1914-1949 et l'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours, ce sont les titres des deux volumes que Ian Kershaw consacre à l'histoire des 20e et 21e siècles. D'ailleurs, que signifie être vivant dans l'âge global? Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers à l'occasion des 75 ans de la libération des camps, selon l'expression consacrée. Nous avons consacré une série d'émissions à l'horreur concentrationnaire et ce matin, dans le cours de l'histoire, ce que le monde actuel doit à l'hiver 1944-1945. Pour commencer, un bricolage sonore et magique réalisé par Milena Hellig qui s'est emparée des archives de la radiodiffusion française pour nous offrir une traversée de la seconde moitié du XXe siècle. Hiroshima, vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. 14 octobre 1962, deux avions américains survolent Cuba. Sur les clichés photographiques pris par cette patrouille, les Américains découvrent 20 silos lance-missiles installés en grand secret par les Soviétiques. Peuple algérien, les tâches qui nous attendent sont immenses. Nouvelle officielle, le président Kennedy est mort. Il est mort à 1h05 exactement, 35 minutes après avoir été blessé dans la voiture lorsqu'il arrivait de l'aéroport de Dallas. Est-ce que tu sens? Quoi? Le napalm, fils! J'aime l'odeur du napalm au petit matin. L'atmosphère en puantie par les gaz lacrymogènes. Il ratisse vraiment un coup de matraque. Oui, les policiers se sont retrouvés. Le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Ils se protègent. Et puis avec en même temps, bouclier. J'ai pensé que si je partais, quelques boulons volent, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. One small step for man, one giant leap for mankind. À quelque chose, malheur est bon. La crise de l'énergie permet un retour en force de la bonne vieille bicyclette de notre jeunesse. J'ai dit que dans l'éventualité d'un troisième choc pétrolier... Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service. J'appuie sur on voit. Voilà, pour s'arrêter, désolé. Image historique et image du jour. À Moscou, le remplacement du drapeau soviétique par le drapeau russe au-dessus du Kremlin, c'était il y a quelques minutes, donc à Moscou. On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Nous sommes en ligne avec Laurent Simon à Washington. Vous avez de plus en plus d'informations, Laurent, sur cet accident? Ça vient de tomber, on n'en sait pas beaucoup plus et les témoins sur place sont excessivement peu nombreux. On sait que c'était effectivement une des tours du Washington, du World Trade Center qui est touchée. On ne sait même pas s'il y a des blessés, il y a de la fumée qui s'échappe des étages supérieurs. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Un clin d'œil à la deuxième moitié du XXe siècle, compliqué, réalisé par Milena Elig. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous recevons Yann Kershaw. Yann Kershaw, bonjour. Bonjour. Et bonjour aussi à votre voix française qui aujourd'hui est Xavier Combes. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Yann Kershaw, vous êtes professeur à l'université de Sheffield en Angleterre, vous êtes membre de la British Academy, vous êtes le biographe d'Hitler, mais pas seulement, vous venez d'écrire un ouvrage intitulé « L'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours ». Il fait suite à un autre de vos ouvrages, « L'Europe en enfer, 1914-1949 », tous deux publiés au Seuil. Yann Kershaw, la rupture au XXe siècle est souvent placée en 1945. Pourquoi votre rupture est en 1950-1949? La rupture, j'ai choisi de la placer en 1949, parce que les années juste après la guerre étaient encore caractérisées par une violence assez marqué en Europe. Les choses n'étaient pas encore stabilisées. Il y avait encore de la turbulence et c'est resté le cas pendant 4 ou 5 ans après la guerre. Par conséquent, j'ai choisi de mettre fin à mon premier volume, L'Europe en enfer, avec l'explosion de la première bombe atomique soviétique en août 49. Pour moi, c'était la véritable fin de cette première ère et le début d'une autre ère où l'Europe était dépendante des deux grandes superpuissances. C'était un âge global et nucléaire. Vous utilisez cette expression d'âge global. Pourquoi global? From 1950 onwards, à partir de 1950, l'Europe était devenue plus que jamais dépendante à l'ouest des États-Unis et de l'Union soviétique à l'est, les deux grandes superpuissances qui dominaient l'Europe. L'Europe était en fait l'instrument de ces deux grandes superpuissances. Et mon second volume, je le démarre avec un événement qui se passe loin de l'Europe, la guerre de Corée. La guerre de Corée, ça semble être un petit peu bizarre pour démarrer une histoire de l'Europe, et pourtant, cette guerre de Corée montre que dans les quelques premières années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été entraînée dans une autre guerre en Asie. Et c'était un conflit entre les superpuissantes, ce qui démontre à quel point l'Europe était déjà mondialisée de par ses intérêts. Par la suite, évidemment, cette mondialisation a revêtu un aspect économique et après 1990, il y a eu une accélération très vive de cette mondialisation avec la fin de la guerre froide, la chute du mur et puis évidemment avec la révolution technologique dans les années 90 et au-delà, explosion de la mondialisation. Donc il y a plusieurs étapes dans cette mondialisation, mais ça démarre avec la dépendance par rapport aux superpuissances. Yann Kershaw, cet âge global que vous identifiez de 1950 à nos jours, l'Europe de 1950 à nos jours, fait suite à l'autre ouvrage, hein, L'Europe en enfer. Mais malgré tout, cet âge global commence sur la catastrophe, commence sur la violence. Il s'appuie sur cette horreur qu'a été la Seconde Guerre mondiale et les quelques années après qui ont été difficiles également. Oui, les quelques premières années après la Deuxième Guerre mondiale étaient particulièrement dures. On vivait sous la chape de la menace nucléaire. Cette phase initiale s'est terminée avec la crise cubaine de 1962. Voilà encore un événement éloigné de l'Europe, mais personnellement, j'en garde un souvenir très vif parce que j'ai eu peur d'une guerre nucléaire. Je me souviens de cette peur, personnellement. Et en Europe, je pense que cette peur s'est estompée après la crise cubaine. La peur restait, mais elle était moins vive. Ainsi, ça a commencé avec de la violence et la violence potentielle a pris le pas sur la véritable violence. La violence qui est au cœur, en fait, de l'étude du XXe siècle. Yann Kershaw, vous avez écrit une biographie d'Hitler qui a été remarquée. En tant qu'historien, vous vous êtes intéressé à un homme, à une vie, et cet homme explique une période de l'histoire qui s'étend d'ailleurs largement. Aujourd'hui, vous vous intéressez à l'Europe, à un monde, à l'âge global. Dans votre démarche, il y a un changement complet de paradigme. Vous transformez complètement votre regard. Comment l'historien se positionne ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir construit sa carrière sur un sujet que l'on étudie, qu'on élargit pour ensuite comprendre l'ensemble ? Non, ce n'est pas nécessaire de s'y prendre de la sorte. Moi, je m'intéresse toujours aux différentes façons d'aborder l'histoire. Et du reste, je n'ai pas eu d'intérêt particulier pour la biographie dès le début. Je me suis intéressé à la biographie de Hitler parce que, au début, je me suis intéressé à la société allemande sous le régime nazi. Puis je me suis intéressé aux structures du régime nazi. Donc, il y a plusieurs approches qui m'ont amené à la biographie d'Hitler. Depuis lors, j'ai travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale et l'ère du nazisme. Puis, un jour, mon éditeur anglais, Penguin, m'a demandé d'écrire une histoire de l'Europe au XXe siècle. Le projet m'a séduit. En effet, pour moi, c'était un territoire nouveau et une nouvelle approche, une nouvelle façon d'écrire l'histoire. Et c'est ainsi que j'ai écrit ces deux livres, L'Europe en enfer et cet ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, L'âge global. Et on dit souvent que l'histoire, c'est une maison faite de nombreuses pièces. Une des pièces, c'est la biographie, sinon il y a une autre pièce avec l'histoire panoramique du continent européen. Et cela couvre un siècle. Mais en tant que historien, je veux dire individuellement, dans votre carrière, il doit y avoir quelque chose de jouissif, de passer du focus. Je pense notamment à votre ouvrage « La fin de l'Allemagne 1944-1945 ». Focus exceptionnel sur une année qui est très particulière, cette fin du Reich. Et d'un seul coup, d'élargir comme ça le regard complet. Il y a un jeu intellectuel qui pousse à regarder une période courte, mais en la mettant dans son ensemble et en regardant ses conséquences, et puis d'un seul coup, de prendre l'ensemble. Ces années-là, 44-45, vous semblent essentielles pour comprendre l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, les années 50, jusqu'à aujourd'hui même. Oui, vous avez raison. Il y a un caractère jouissif. Et cela reflète l'intérêt que je porte à l'écriture de l'histoire par différents angles. À l'époque, c'était très jouissif d'écrire le livre sur ces 12 ou 18 mois de l'histoire allemande. Donc c'était une analyse particulièrement concentrée de ce qui s'est passé dans un pays lors d'une période particulièrement importante. Et c'était par ailleurs jouissif d'élargir la focale pour voir comment cela s'inscrit dans l'histoire d'un continent au fil d'un siècle. Et on voit l'importance de cette période 44-45. Bien justement, Yann Kershaw, en écho à ce que nous évoquons, et notamment à votre ouvrage « La fin, Allemagne 1944-1945 », nous allons écouter un document, « Les actualités françaises du 10 juin 1945, la description d'un camp, celui de Buchenwald ».« Buchenwald n'était qu'une usine à grand rendement. L'essentiel, c'était qu'on mourût. Il y avait les pelotons d'exécution. Il y avait les injections d'essence qui durcissent les artères. Et 50 000 juifs furent ainsi piqués dès leur arrivée. Il y avait aussi les chiens et puis les lance-flammes. C'était un camp perfectionné. L'usine broyait. Les SS s'amusaient. La femme du chef de camp aimait les tatouages originaux. Malheur à celui qui en portait. Il était abattu aussitôt et sa peau tannée servait à faire un nouvel abat-jour. Au rythme de 300 cadavres par jour, les fours crématoires ne suffisaient pas. Les cadavres s'accumulaient. En attendant que de nouvelles fosses soient ouvertes, on les emmagasinait. Cependant, le dernier jour, les Allemands prirent peur. Ils voulurent faire disparaître les traces de leur forfait. Ils incendièrent ces réserves. Avant de fermer les portes, ils y jetèrent des vivants. Mais le crime parlait trop haut. En juin 1945, les actualités françaises évoquent le camp de Buchenwald. Yann Kershaw, dans votre regard d'historien que vous portez sur l'Allemagne 1944-1945, mais également de manière plus large sur l'Europe, durant tout le XXe siècle en fait, parce que vous avez vos deux ouvrages, hein, l'ouvrage qui commence en 1914, l'enfer en Europe, et puis celui que vous publiez aujourd'hui, l'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours. Dans votre regard, quelle place occupe ce moment incroyable de la découverte des camps de concentration ? La découverte même, je la traite dans le premier ouvrage, L'Europe en enfer. Les retentissements à long terme de cette découverte, eh bien, on les voit dans les années 70, mais surtout à partir des années 80. Rétrospectivement, lorsque l'on regarde les années d'après-guerre, il y a un élément extraordinaire qui apparaît. On voit la libération des camps de concentration, la fin de la guerre, la Shoah, l'Holocauste. Mais on regarde cela d'une façon très concentrée. Et ce n'était pas du tout cette perception qu'on avait dans les années 50 et 60. Donc les premières décennies d'après-guerre étaient faites d'années où on ne prêtait guère attention à ces événements pourtant énormes. Puis, à partir des années 80, évidemment, on est devenu de plus en plus préoccupé par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et l'histoire du nazisme, l'histoire des camps de concentration et évidemment l'Holocauste. Et on a compris que c'était la période charnière qui a façonné l'Europe du XXe siècle. Parce que votre regard, Yann Kershaw, nous permet de comprendre des violences que l'on avait oubliées. Dans la fin, l'Allemagne, 1944-1945, vous expliquez le moment où les nazis vident les camps et ces marches monstrueuses qui ont fait mais des centaines de milliers de victimes quand les déportés étaient déplacés d'un camp à l'autre. Vous évoquez autre chose, la violence telle que les nazis la présentaient, la violence des soviétiques. La propagande, en fait, nazie, qui montrait les soviétiques comme des barbares. Nous l'avons oublié, parce que, évidemment, l'histoire fait que l'URSS a contribué de manière exceptionnelle à la victoire. Mais nous étions, en ce milieu du XXe siècle, dans des discours de violence qui s'opposaient sans arrêt. Nous en avons retenu quelques-uns. Il est essentiel de se rappeler tous ces discours pour comprendre, en fait, les fractures qui ont marqué cette période-là et que l'Europe a permis d'oublier. Cette propagande a évidemment joué un rôle très important pour ce qui est de façonner le comportement allemand envers l'Union soviétique et envers le communisme d'une façon plus générale. Cette propagande fut éclairée par les véritables atrocités perpétrées par l'armée rouge qui arrive en Allemagne en 1944 et en 1945. Je décris la façon dont la propagande nazie a exploité des atrocités soviétiques existantes, mais évidemment en forçant le trait. Et cela a évidemment laissé une marque importante dans l'état d'esprit des Allemands. Donc, dans une certaine mesure, le comportement des soldats allemands sur le front Est peut s'expliquer par la propagande et la peinture qui a été faite de l'Union soviétique. Des barbares, avez-vous dit? Ben, c'est ça, oui. Et quand on a évidemment alimenté la peur des soldats allemands s'ils devaient être capturés par les soviétiques. Ça a joué un rôle très important dans le comportement des Allemands et notamment des soldats allemands dans la dernière phase de la guerre. Et d'une certaine façon, cette image de l'Union soviétique a été perpétuée dans les années d'après-guerre, non seulement en Allemagne, mais aussi ailleurs, à mesure que la guerre froide s'est installée, et puis les différents épisodes du pouvoir soviétique qui étaient dépeints par l'Occident. Et évidemment, ça a apporté une certaine cohésion en Occident, étant donné cette image soviétique. Yann Cachot, en lisant vos ouvrages, nous sommes marqués, par exemple, en lisant Hitler, par la propagande. Aujourd'hui, on dirait la radicalisation. Ce sont des gens qui sont complètement formatés pour suivre un homme. En lisant La fin, l'Allemagne, nous voyons ce combat de propagande entre les soviétiques qui présentent les nazis comme des barbares, et à juste titre, et l'inverse. Et puis en lisant L'Europe en enfer et l'âge global, donc votre regard sur l'ensemble du XXe siècle, nous nous rendons compte que cette propagande qui paraît d'une efficacité absolue, d'une violence totale, en fait disparaît très vite. Ça dure que quelques années. Dès le début des années 50, cette propagande qu'on pourrait croire impossible à enlever des esprits disparaît. En fait, la propagande a commencé à revêtir un aspect différent. La propagande était devenue moins évidente qu'auparavant. Mais prenons les États-Unis. La propagande américaine anti-soviétique était particulièrement virulente. En Europe, la propagande était plus subtile. Mais elle existait, notamment du point de vue de l'imagerie que l'on charriait de l'Union soviétique. Et cela s'est développé dans les pays occidentaux, chacun à sa façon. Donc c'était une forme plus indirecte de la propagande qui s'est perpétuée. Et évidemment, à l'heure actuelle, on voit l'importance de l'imagerie et on voit l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc l'imagerie créée par la propagande, c'est quelque chose qui n'a pas commencé à l'ère nazie et ça ne s'est pas terminé avec la fin du nazisme. Yann Kershaw, je vous pose cette question-là parce que l'histoire sert à comprendre le présent et nous sommes aujourd'hui confrontés à d'autres formes de radicalisation, notamment la radicalisation liée à un islam complètement dévié, et l'on pourrait penser qu'il va être très difficile et très long, et c'est sans doute le cas, à tourner la page. Pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui, le regard vers le passé est nécessaire, et si l'on prend le nazisme, on se rend compte qu'il est possible, avec la volonté politique, avec des formes d'éducation, d'explication, et en l'occurrence ici, il y a une victoire militaire absolue, il est possible de reconstruire un monde après la catastrophe. Oui, la fin n'est pas proche. Le processus prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles formes de violence et de radicalisation, on voit une autre façon dont l'Europe est exposée aux influences qui viennent de partout dans le monde. Le rôle du Moyen-Orient dans les affaires européennes, c'est un des aspects de cette mondialisation qui est à l'œuvre. On voit la façon dont, dans l'entre-deux-guerres, la politique du Moyen-Orient était liées aux politiques coloniales de la Grande-Bretagne et de la France. Depuis, évidemment, le colonialisme a vu sa fin, c'est une bonne chose, mais les forces qui étaient à l'œuvre dans la nouvelle constellation, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont créé des pressions qui font un effet boomerang en Europe aujourd'hui. Et il faudra un temps infini avant que ces problèmes ne disparaissent et avant que l'on ne puisse recouvrer une situation apaisée au Moyen-Orient. Et tant que ces conflits perdureront, il y aura du terrorisme et tout un tas de problèmes qui auront des retentissements en Europe. Yann Kershaw, vous évoquez l'Europe, justement, l'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours, et vous mettez en tête d'un de vos chapitres un extrait de la déclaration de Robert Schuman, qui est alors ministre des Affaires étrangères, la déclaration du 9 mai 1950. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Robert Schuman, la déclaration du 9 mai 1950, où le ministre des Affaires étrangères français propose la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier. Ces années 50 sont malgré tout essentielles, Yann Kershaw, dans la construction d'un monde. Ce monde que vous étudiez jusqu'à nos jours, il y a un espoir, et qui est effectif, de construire un monde meilleur. Ce monde-là vous intéresse. On vous sent porté, et on peut vraiment vous rejoindre là-dessus. Il y a tout à construire et tout est possible. Est-ce que ces espoirs-là ont été déçus? J'ai l'impression, en vous lisant, et on voit souvent le mot incertitude, insécurité en parlant de nos jours, ces espoirs des années 50 sont déçus, d'après vous. Le grand espoir de Robert Schuman, c'était un rapprochement entre la France et l'Allemagne de l'Ouest, puisqu'il s'agissait de l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Le but étant d'empêcher la possibilité d'une guerre entre l'Allemagne et la France ou une guerre en Europe. Eh bien, cet espoir-là n'a pas été déçu. En effet, il y a eu, vous l'avez dit, la création de la communauté du charbon et de l'acier, puis la communauté européenne, puis évidemment l'Union européenne. Donc, de ce point de vue-là, empêcher une guerre en Europe, qui constitue le fondement de l'accord franco-allemand lancé par Schuman en 50, eh bien, cela, c'est couronné de succès. Autre espoir qui n'a pas été déçu, c'est la prospérité en Europe. Lorsque l'on regarde la prospérité qu'ont connue à tout le moins les 6 membres fondateurs de la communauté du charbon et de l'acier dans les années 50, lors des 30 glorieuses, comme vous dites en français, eh bien, cet espoir non déçu, on le doit à la vision de Jean Monnet et qui a été mis en musique par Robert Schuman. Bien entendu, au fil des années, les choses ont évolué, pas toujours pour le meilleur et pas toujours de façon aussi idéaliste qu'on aurait pu l'envisager au début. Néanmoins, si l'on regarde les 70 ans qui viennent de s'écouler, on voit que la communauté européenne puis l'Union européenne ont tout de même réalisé de belles choses, nonobstant les difficultés et les vicissitudes que l'on connaît encore aujourd'hui. Il ne faut pas sous-estimer ces réalisations. La paix en Europe, évidemment, il y a d'autres instances qui ont œuvré à la paix en Europe, je pense à l'OTAN notamment, la consolidation de la démocratie en Europe occidentale et évidemment la prospérité en Europe occidentale. Donc voilà des espoirs qui, eux, n'ont pas été déçus. Et je crois que ces réalisations vont continuer à façonner l'Europe malgré les difficultés auxquelles il faudra faire face. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous recevons Yann Kershaw pour nous parler de son ouvrage « L'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours ». Yann Kershaw, il y a un chapitre de votre ouvrage qui s'intitule « La culture après la catastrophe ». Et vous avez mis en exergue, et c'est même assez drôle, une chanson de Little Richard. Je retrouve la page, c'est Tutti Frutti. Hein. La chanson, vous l'avez mis en exergue comme ça. Il est écrit « Ah, wop, boop, a lop, bop, a whoop, bam, a boom. Tutti Frutti. Pourquoi ce choix ? Why have I chosen that? Because I think that the very... J'ai choisi cet exergue parce que l'absurdité même de ces mots, de ces propos, reflète l'existentialisme qui a vécu son âge d'or à cette époque-là. Et par ailleurs, cela reflète, à mon sens, cet optimisme positif irréfléchi des jeunes de l'époque dans les années 50 et 60. C'était l'époque de Little Richard, le rock'n'roll, Elvis et tout ça. Mais à cette époque-là, on ne se tournait pas vers le passé, les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale ou les horreurs de l'Holocauste. Non, on regardait vers l'avant. C'était le début de la révolution de la jeunesse dont on pense particulièrement lorsque l'on pense à 1968. Mais dès l'époque de Little Richard, on voit ce sentiment de modernité, les gens qui regardent l'avenir et qui ne se tournent pas vers le passé. C'est pourquoi dans ce chapitre sur la culture après la catastrophe, je voulais faire deux parties. D'abord, les horreurs du passé, puis aussi la culture de la jeunesse qui regarde vers l'avant, et le rock'n'roll notamment. Eh bien, nous écoutons Little Richard, Tutti Frutti. Little Richard, Tutti Frutti, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous discutons avec Yann Kershaw, l'auteur de L'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours, aux éditions du Seuil. Quand on cherche à comparer notre monde à une autre période, qui est un jeu d'esprit, ce n'est pas vers les années 1950 que l'on se tourne les Trente Glorieuses, c'est régulièrement vers les années 1930. Yann Kershaw, dans votre regard global sur le XXe siècle, et puis dans votre grande connaissance de ces années 1930, notamment en Allemagne, quel lien pouvez-vous faire entre les années 30 et aujourd'hui ? Est-il valable ? Y a-t-il des craintes à en tirer ? Justified. I think we can easily see the parallels with the 1930s and évidemment on voit les parallèles que l'on peut établir avec les années 30. D'une certaine façon, on voit certains fantômes du passé ressurgir. Cela dit, à mon avis, les similitudes sont superficielles, les différences, elles, sont plus importantes. On ne pourra comprendre les problèmes du populisme contemporain si l'on se contente de faire une comparaison par rapport au fascisme des années 30. Le populisme actuel, il faut le comprendre à l'aune de différents facteurs contemporains, justement. Et le retour au nationalisme, le retour au protectionnisme, évidemment, ça nous rappelle les années 30. Mais dans la réalité, c'est l'aspect négatif de la mondialisation, tout cela. Donc, les problèmes d'aujourd'hui, on les comprend en regardant les problèmes de la mondialisation. Problèmes de mondialisation qui n'étaient pas ceux des années 30 qui ont produit le fascisme. Et l'une des grandes différences, et elles sont nombreuses ces différences, l'une des grandes différences, c'est que dans les années 30, il existait une forme différente de gouvernement, l'Union soviétique. Et l'Occident regardait cela parfois avec envie. Et puis, dans les années 2000-2010, cela n'existe plus. On n'a pas la même admiration envers la Chine, on n'a pas envie de copier la Chine. Et la Russie, quant à elle, la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. Donc il n'y a pas de contre-modèle aujourd'hui dont on pourrait s'inspirer. Le populisme se regarde lui-même et ne regarde pas ailleurs pour l'inspiration. Et par ailleurs, le populisme, ce n'est pas une menace de guerre aujourd'hui. Donc il y a de grandes, grandes différences entre la période actuelle et les années 30. Yann Kershaw, dans une lecture très simple de la Seconde Guerre mondiale, il y a deux camps qui s'opposent, le bien et le mal. Quand on détaille un peu, on va en trouver d'autres avec l'URSS, les Alliés, etc. Et puis les nazis. Aujourd'hui, vous le dites, le monde n'a pas d'alternative majeure politique qui nous est offerte, comme a pu l'être à un moment l'URSS. Est-ce que vous trouvez que le monde est plus complexe aujourd'hui ? Yes, I think it is. I think that's a fair summary and fair description of it. That le monde est plus complexe aujourd'hui, à n'en pas douter. In the Second World War, at any rate, it seemed to be then, from the Western perspective, a fight of good against evil. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, du point de vue occidental, évidemment, on avait l'impression que c'était le bien contre le mal. Puis, lors de la Guerre froide, là encore, les choses étaient assez manichéennes. En effet, l'Occident était gentil et l'Empire soviétique était méchant. Donc là, le monde était assez simple. Depuis la fin de la guerre froide et la chute du rideau de fer, les choses sont complexifiées. Initialement, lorsque Francis Fukuyama a écrit son livre sur la fin de l'histoire, on aurait pu penser que le monde serait plus simple. Il y aurait une Pax Americana, un monde unipolaire, la démocratie libérale de l'Ouest, le capitalisme triomphant, et ainsi de suite. Mais 30 ans plus tard, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et on est dans un monde multipolaire. Les menaces, les dangers sont différents. Les choses ne sont pas du tout aussi simples qu'auparavant. Il y a de l'insécurité qui n'est plus liée à la menace nucléaire, mais l'insécurité revêt d'autres formes, des formes plus difficiles à comprendre. Avant, c'était plus simple de faire une analyse. Nous avons des peurs qui nous viennent du passé, ce ne sont plus exactement les mêmes. C'est vrai qu'on ne parle plus tellement de la bombe atomique, même si parfois elle ressurgit dans les actualités. Mais il y a toujours cette relecture du passé qui occupe notre présent et qui est transformée. Nous allons écouter un témoignage, celui de Ginette Kolinka, survivante du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. C'est un extrait d'un documentaire diffusé dans Une histoire particulière sur France Culture, une émission de Dominique Prujac. On vient en principe une fois par mois, quelques fois deux, à partir de novembre jusqu'au mois de mars. Je suis venue cette année au mois de septembre, les gens sont en short, t'as les voitures d'enfants, les gens viennent se balader comme... c'est du tourisme, puis c'est tout. Par contre, comme il faut que ça soit vu, eh bien, tourisme ou pas, voilà, il faut que les gens viennent. J'ai toujours cru que si, quand je viendrais la première fois, que j'allais m'écrouler. Eh bien non, je ne me suis jamais écroulée. Ce que je vois, ce n'est pas le Birkenau qui est dans ma tête. Et il ne sera jamais... Et ce que je vois, ça sera toujours un décor. Alors c'est vrai que ce n'est pas possible de retrouver la saleté, ce n'est pas possible de retrouver l'odeur, ce n'est pas possible d'avoir les gens... Mais peut-être qu'en effet, c'est quand même bien d'en parler pour que les gens se rappellent qu'il y a eu quelque chose comme ça et qu'il ne faut plus que ça recommence. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers.

camp des jeunes. Otto Dovkulka, qui a publié un livre intitulé « Les paysages de la métropole de la mort ». Et ce livre est intéressant parce que il se penche sur ses souvenirs. En fait, il partage des réflexions sur ses souvenirs de son séjour à Auschwitz. Il y retournait pour voir ce qu'était le camp. Il y était seul et la description qu'il fait de sa visite est particulièrement chargée d'émotions et c'est complètement différent de cette de ce qui est devenu Auschwitz, une attraction pour touristes. Et je crois que d'une part c'est important de comprendre l'horreur des camps, mais par ailleurs, il y a le côté superficiel, léger des touristes qui atténue la réalité d'Auschwitz. Ce regard, Yann Kershaw, que vous portez sur l'ensemble du XXe siècle, en étant spécialiste de la période nazie, sans doute la période la plus sombre du XXe siècle, vous pousse à vous poser des questions. Et c'est vrai que ce mot d'incertitude, d'insécurité, pour qualifier notre présent, apparaît souvent. Rassurez-nous, il y a une note d'espoir dans cette évolution, dans ce regard que vous portez sur l'Europe aujourd'hui. Optimistic by nature, and but vous savez, je suis un optimiste invétéré. Realism to the optimism too, with all the. Mais il faut être réaliste. We live in a continent which has made enormous advances. Nous avons des peurs, certes, mais sur le continent européen, il a été réalisé de belles avancées. On voit comment les gens sont prêts à se battre pour préserver leur liberté et les avancées culturelles réalisées au cours des 50, 60, 70 dernières années. C'est assez rassurant de voir ce qu'a réalisé l'Union européenne. On a trop tendance à voir les problèmes, mais de belles choses ont été réalisées. Comparons notre monde d'aujourd'hui à celui des années 50 ou 60 même. Il y a eu de belles avancées, et ces avancées ne vont pas disparaître de sitôt. Donc, quel que soit le pessimisme de certains, je crois qu'il y a de bonnes raisons de rester optimiste. Et mes enfants et mes petits-enfants pourront vivre dans un monde meilleur qu'auparavant. Mais la chose la plus inquiétante à l'heure actuelle, c'est le changement climatique. Et c'est là qu'il faut agir. Oui, vous avez raison, ça c'est la question du moment et nous pouvons porter beaucoup d'espoir dans l'action des autres générations, même si les nôtres n'ont pas fait tout le boulot, il y a ceux qui viennent derrière et qui auront fait beaucoup de choses. Merci beaucoup Yann Kershaw d'être venu nous parler dans le cours de l'histoire, l'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours. Merci. Thank you, it's been a great pleasure. Merci. Et tout de suite nous retrouvons Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors, dans le journal de l'histoire ce matin, le Brexit. Ça y est, il est là. Le Brexit est arrivé après de nombreuses péripéties, ses héros révélés, plus ou moins flamboyants. La chaleur de l'ambiance des débats de la Chambre des communes, malgré les trahisons politiques, les frayeurs, les espoirs déçus, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Cela fait si longtemps que l'événement menace d'advenir que tous les sujets ont déjà été évoqués sur l'histoire des relations entre l'île et le continent. De la défiance multiséculaire entre Anglais et Français, de la guerre de Cent Ans à la résistance farouche de De Gaulle à son entrée dans la CEE dans les années 60, des rebelles écossais et gallois aux inquiétudes sur la relance d'un conflit irlandais dont on croyait pouvoir faire le bilan. Heureusement, la plateforme de chercheurs éclairés Actuel Moyen Âge a eu la bonne idée de publier une contribution de Vivien Barrière, historien et archéologue, sur les mésaventures de l'Empire romain sur l'île de Bretagne, une traversée pour un antique Brexit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dans 3h40 exactement, la caravelle du général de Gaulle atterrira en France. Le voyage d'Angleterre sera terminé. Les étapes triomphales de ce voyage long. Je m'excuse, monsieur Ferraud. TF, je n'y reviendrai.